Que génial ça. Ça c'est de la création. Nice song. End. Good drum. I like your song. Du calme, babeuba, du calme. C'est fini la chanson. Good evening. This is the voice of Enigma. In the next time, we'll take a rebirth in another world. In the world of Baba. Allez, Baba, fais péter le riff. Razel, I like your song. J'aime bien ce mec au clavier. Putain, mais les mecs, ils jouent tard. On les voit jamais dans la journée. Bon, si on est dormir, si on est se coucher. Bon, Baba, fais-nous péter un petit riff, là, je sais pas. Tu fais quoi ?